J'ouvre des sociétés, ils ouvrent la boca. J'pense à la moula, j'veux voir ma main dans un palace. Hey, j'suis dans le carré, elle veut ma calage. J'veux des types, Fefe RS3 dans le garage. J'suis marre dans The Wire. Elle aimerait qu'on s'en aille. J'suis dans le sale, j'suis ailleurs. Elle aimerait que j'abandonne. J'suis dans le secteur, j'fais du bif. Et le soir, je rentre tard. Il t'amène à la gare, j't'amène sur une île. Allez viens, on s'en va, on change de continent. Y'a des jaloux partout en bas du bâtiment. Je t'ai dit ti amo, tu me dis pourquoi tu mens. T'es tombé pour bando, pas pour mes sentiments. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. On a du mal à avancer, mon petit cœur est en panne. Vu que j'ai serré les taux. Tes pieds sur le renté, les mains dans la farine. Dans ma tête c'est ghetto. Mais je lui disais faut pas t'inquiéter. Mais je peux compter que sur ma scalade. Mon bébé, je serai obligé de te laisser, yeah. Je suis dans le secteur, je fais du bif. Et le soir je rentre tard. Il t'emmène à la gare, je t'emmène sur une île. Allez viens, on s'en va, on change de continent. Y'a des jaloux partout en bas du bâtiment. Je t'ai dit ti amo, tu me dis pourquoi tu mens. T'es tombé pour bando, pas pour mes sentiments. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. J'calape pas les michetons, faut pas fâcher madame. C'est à cause des jaloux que je suis sans état d'âme. Tu sais bébé, la rue c'est pas les nirvana. On s'en ira, on s'en ira. Tu es avec l'on dit posé dans le Panamera. Je suis frais, je suis refait, sortez les caméras. J'ai pas ouvert ton snap, en fait je m'en bats les reins. Mon Samira, 2-3 000 et Samira. Mon Samira, 2-3 000. Allez viens, on s'en va, on change de continent. Y'a des jaloux partout en bas du bâtiment. Je t'ai dit ti amo, tu me dis pourquoi tu mens. T'es tombé pour bando, pas pour mes sentiments. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Dans mon cœur c'est ghetto, ghetto. C'est ghetto, c'est ghetto, c'est ghetto.